Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Christine de Suède, vue par Michel-Marc Bouchard. Il y a un mystère en vous. Il y a un mystère en tout être humain. Oui. Dites-moi, vous me l'avez promis, pourquoi êtes-vous venu dans cette auberge vêtue en homme? Chez moi, je dois subir 1000 contraintes. Tout est organisé de façon très formaliste. Un milieu très conservateur. Très. J'aime parfois échapper à tout cela. Être libre. Extrait du film « La reine Christine » réalisé par Ruben Mamoulian et mettant en vedette Greta Garbo. Déjà en 1933, l'histoire de la reine Christine de Suède intéresse donc le monde du cinéma. Reine à 6 ans, élevée comme un garçon, attirée par les femmes, amoureuse des philosophes français des Lumières, Christine de Suède, femme libre et féministe avant l'heure, voudra faire de son pays un exemple de modernité. Comtesse Emma Sparrow. Your Majesty. We must tackle the greatest challenge in the history of this country. Peace. Did you really miss me? I told Comtesse Sparrow you are the man who is dearest to me. You are the queen of a nation of filthy, primitive bears. Who would want you? I shall love you day and night. Marry me. No. You will be free to do whatever you want, in public and in private. Extrait de la bande-annonce du film The Girl King, la reine garçon en français, réalisé en 2015 par Mika Korismaki et scénarisé par le dramaturge québécois Michel-Marc Bouchard. Michel-Marc Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, dans ce petit bout d'extrait de bande-annonce, puis on va y revenir tout au cours de l'émission. L'ambivalence sexuelle de Christine, son attirance pour les femmes, le désir de paix qu'elle aura, le décalage aussi entre cette reine amoureuse des choses, de l'esprit et ses sujets. Mais d'abord, une question plus personnelle, cet intérêt, presque une obsession. Vous avez écrit une pièce, vous avez participé à ce scénario de film réalisé cette année. Vous travaillez actuellement sur un projet d'opéra autour de Christine de Suède. Et on vient de m'offrir la série télé et c'est j'ai vrai? Dit non. Vous avez dit non? Non, il y a des limites. Bon, mais quand même, pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse tant chez elle? Ben, premièrement, c'est un accident. Hein. Je ne la connaissais pas avant qu'on m'offre d'écrire le film. C'est vraiment Korismaki et la production qui m'ont approché avec cette idée de faire une forme, si on peut dire, de biopic, en tout cas du moins d'illustrer la vie de ce personnage-là. Et comme je dis souvent, j'ai pris une longue marche avec plusieurs biographes pour connaître qui elle était. Et je dis souvent qu'en tant que Québécois, nous n'avons pas nécessairement une fascination, je dirais, pour la monarchie, par celle qu'on connaît, soit qu'elle nous a abandonnés ou soit qu'elle nous a dominés. Alors, je me voyais mal écrire un film d'une reine. Mm-hmm. Et c'est à la lecture des biographies sur Christine de Suède que j'ai pu découvrir qu'il y avait là un personnage d'une grande modernité. Un personnage qui, d'ailleurs, dans les extraits que vous venez de présenter, il y a plusieurs fois le mot « liberté » qui est prononcé, où je veux être libre. Et c'est fascinant de voir que quelqu'un qui, dans notre imaginaire, est un monarque et semble avoir tous les ressorts, les pouvoirs économiques pour faire ce qu'elle souhaite, ben Christine de Suède a été, si on peut dire, à la fin, en tout cas, de sa vie en Suède, a été extrêmement malheureuse et avait décidé d'acquérir une liberté qui ne se faisait absolument pas à l'époque. Oui, parce que aussi, souveraine, monarque, reine, certainement, mais dans une Suède très conservatrice, alors que c'est une femme de la modernité, c'est une féministe avant l'heure, et de tout ça, on parlera bien sûr au cours de cette émission. Je vous propose tout de suite quand même un autre extrait du film de Korismaki dont vous signez le scénario. Le titre en français, c'est La reine garçon. The Girl King, pas tout à fait la même chose, mais c'est intéressant et c'est pas un hasard. Et c'est l'expression consacrée en anglais. Alors, on ne pouvait pas nécessairement mettre ça et la reine garçon traduit, c'était pas très heureux phonétiquement et tout. Alors on a plus respecté cette espèce de tradition en anglais de l'appeler The Girl King. Mais dans les deux cas, je trouve qu'il y a une belle résonance dont on parlera tout de suite après cet extrait qui est aussi important pour la suite des choses. remember when you were born. Your first cry was so deep. We thought it was the long-awaited prince. So we took you to your father, and he unwrapped the blanket. It's a girl. Le cri à sa naissance, le cri de la reine Christine, était si puissant qu'on a d'abord cru que c'était celui d'un garçon. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, Michel-Marc Bouchard, c'est dans le film. C'est une histoire que Christine de Sude a racontée elle-même. Vraiment? Lorsqu'elle était en Suède. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans les premières pages de son autobiographie qu'elle a écrite. Je pense qu'elle avait, c'était passé 60 ans, on lui a demandé d'écrire une autobiographie pour faire en sorte, pour rappeler à la postérité qu'elle avait été toujours catholique. Je veux dire que là-dedans, dans son autobiographie, devait dire que Luther était un hérétique, etc., etc. Mais c'est là qu'elle a raconté cette histoire-là de sa naissance. Parce qu'elle est luthérienne, donc. C'est ça, de naissance. Voilà, elle est baptisée luthérienne, et lorsqu'elle abdique, elle va aussi, lorsqu'elle abdique de sa couronne en Suède, elle abjure la foi luthérienne, ouais. Et se convertit au catholicisme. Et elle raconte justement cet événement-là qui fait que lorsqu'elle est née, le cri était si grave, elle était si velue. Que paraît qu'on l'a pas montré à sa mère, qu'on est couru voir le roi avec l'enfant, et lorsque le roi a ouvert les langes, ben il a découvert que c'était une fille. Ouais. Évidemment, c'était un peu la catastrophe que ce soit une fille, parce que son père aurait dit elle nous a tous trompés, elle nous a la rusée, nous l'élèverons comme le plus grand des princes. Mais voilà. Effectivement, c'était une catastrophe au niveau de la monarchie, ouais, suédoise, parce qu'il n'y avait aucun encadrement pour avoir une reine. D'ailleurs, on l'a couronnée à titre de roi. Ouais, ben voilà. Parce que, et on revient donc aux deux formes de titres en français et en anglais, puis ça rejoint, c'est plus qu'anecdotique, parce que The Girl King, c'est l'époque. Quand on est reine, en fait, on est roi à cette époque-là. Et la reine garçon, elle sera vraiment élevée comme un homme. Comme un homme, et d'ailleurs, cette idée-là de se marier à un homme, déjà là, au-delà de questions d'ordre sexuel ou tout ça, l'idée d'être soumise à un homme ou devoir partager son titre avec un homme, était pour elle totalement inacceptable. Ouais. Et toutes les propositions en mariage qui provenaient de partout, de tous les royaumes et les duchés et de toutes les confessions, étaient d'office refusées par elle. Ouais. Vous insistez beaucoup dans le film sur cet aspect garçon, garçonne, sur l'ambivalence sexuelle, la préférence sexuelle. Elle passera de l'un à l'autre, mais de Christine pour les et femmes. Et tout ça sera, paraît-il, platonique. Ah bon? Qu'il n'y aurait pas eu véritablement d'acte sexuel dans un cas ou dans l'autre. D'accord. Pourquoi ce choix-là de mettre l'accent sur... Mais je trouvais que ça faisait partie, à notre époque, quand même, d'un certain choix de liberté. Je trouve fascinant que dans l'histoire du monde, il y a une reine qui a eu effectivement une inclinaison pour sa première dame de compagnie, qui était Ebba Spar, qui en a même fait son compagnon de lit officiellement à la cour. Et il y a très peu de modèles, si on pourrait dire, de ce que je pourrais appeler... De modèle LGBT. Ouais. Et de ce sens-là, ben, les gens, je pense, connaissent mon parcours et ça, c'était un aspect de sa vie qui m'a énormément fasciné et qui permettait d'ailleurs d'apporter et à la scène et au cinéma une trame narrative beaucoup plus romantique, beaucoup plus affective. Et ça nous ramène aussi, puis on y vient dans un instant sur ces idées précisément, mais à l'aspect moderne de cette reine. Mais restons un instant sur ce caractère d'ambivalence sexuelle. Quelle place ça occupe dans sa fonction de reine? Puis d'abord, est-ce que c'est connu à la cour, connu. Du peuple? Je pense pas qu'on en fait un cas à l'ensemble du peuple. De toute façon, le peuple, pour préciser simplement, situer les faits en Suède, le peuple est avant tout agricole. Il n'est pas en ville. On parle environ peut-être d'un cinquième de la population suédoise qui vit en ville. Alors, ce qui veut dire que le peuple était détaché, ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans le royaume, c'est-à-dire dans les palais. Christine est très isolée, ce qui fait que son inclinaison pour Ebba Spar n'était pas si scandaleuse que ça. De toute façon, Ebba Spar finira par se marier avec Jacob de Lagardie, mais lorsque Christine va quitter la Suède, elle aura jusqu'à la fin des jours une affection très, très sentie pour Ebba Spar et se sentira complètement séparée d'elle. Mais c'est perçu comment à la cour? C'est un caprice? On n'en fait pas trop d'histoire? Le seul fait que je pourrais dire de ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'effectivement, on n'en fait pas d'histoire. Mais lorsqu'elle va tenter quand même deux fois de retourner en Suède après son départ, la famille Spar demande à ce qu'elle ne rentre pas en Suède et qu'elle ne rencontre pas Ebba Spar. Ce qui veut dire qu'il devait y avoir quelque part, effectivement, romans Anguille sous roche. Mais il n'y a pas eu de véritable littérature sur ça. D'ailleurs, ce qui est fascinant de découvrir dans l'ensemble des biographies, je dis toujours qu'à force de lire des biographies sur un personnage, on en découvre beaucoup plus sur les biographes que sur le personnage. Ouais. Et lorsqu'on parle de sa correspondance, on va, s'étendre sur les gestes affectueux de tous les hommes qui ont écrit 2 à 3 phrases pour elle. Alors que la correspondance entre Ebba Spar et Christine de Suède est vraiment une correspondance extrêmement amoureuse, autant que celle qu'elle aura avec le cardinal Azzolino lorsqu'elle sera en Italie. Alors, son inclinaison pour cette comtesse, on n'en fait pas trop d'histoire à la cour, c'est à peu près inconnu dans le royaume, auprès des sujets de Christine. Mais il y a autre chose chez cette femme, et on entre dans son aspect plus moderne, qui vont déranger cette Suède très conservatrice. Mais encore, sur son indépendance, si l'inclinaison sexuelle passe, son refus de se marier, cette liberté qu'elle son revendique. Refus de se marier, mais entre autres, crée un véritable danger par rapport à la couronne. Il n'y a pas d'héritier. Alors, qui et ça dérange. Ça dérange énormément parce qu'il n'y a pas de stabilité. Et il y a quand même plusieurs familles de nobles qui aspirent aussi à cette couronne. Il y avait déjà eu comme les de la Gardie, entre autres, dont j'ai mentionné tout à l'heure le nom. Il y avait d'autres familles, effectivement, qui aspiraient à cette couronne. Et il y avait bien sûr aussi les familles qui étaient du côté de Marie-Léonore de Brandebourg, qui était la mère de Christine, et le côté d'Adolphe Gustave, qui était de la famille des Vasa, parce que Christine, en partant, c'était la fin des Vasa, parce qu'elle a laissé sa couronne à son cousin, Carl Gustave, qu'il a toujours aimé, et qu'elle en a fait son fils, qui est un pied de nez extraordinaire. Et par le fait même, elle gardait son titre de reine, parce qu'elle était la reine-mère de Carl Gustave, dont elle n'a absolument pas accouché. Oui. C'était son cousin. Oui. Alors, ce qui fait que c'est la famille de Brandebourg qui a eu le trône. La modernité de cette femme, vous disiez d'entrée de jeu, c'est ça, moi, qui m'a attiré d'abord, qui m'a donné le goût de travailler sur une pièce, sur un film, sur un opéra. De quelle manière elle est moderne? Qu'est-ce qu'elle a comme vision pour son pays, par exemple? Elle cherche à le sophistiquer, ce qui est énorme. Elle cherche à l'éduquer. Elle cherche à bâtir des bibliothèques, des écoles, des théâtres, des endroits de danse, pas de danse sociale, on s'entend, mais de ballet. Elle cherche, autrement dit, à élever l'intelligence et la curiosité de son peuple. Elle va bien sûr le faire pour elle-même au départ, mais après ça, va réquisitionner quand même une fortune pour tenter de bâtir tout ça. Tout ça coûte très cher. Tout ça coûte très cher, et en plus de ça, elle a aussi une tendance quand même au luxe, étonnamment. Même si c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle au niveau vestimentaire, au niveau de son hygiène, mais elle a quand même, elle aime s'entourer de choses extrêmement luxueuses. Elle a aussi une collection de monnaie, elle achète tout, et une collection de chevaux, elle s'entoure de belles personnes. Oui. Et je pense qu'il est très important qu'on soit très beau autour d'elle parce qu'elle est très laide. Alors, mais cette quête-là, je dirais, de beauté, de lumière, fait en sorte que oui, c'est extrêmement rare parce que il faut se rappeler que la religion luthérienne fait en sorte que notre vie n'est que du gris pour récolter le noir. Autrement dit, nous naissons avec non pas notre propre tâche originelle, mais la tâche de l'ensemble de nos ancêtres. Et notre vie, c'est d'essayer un peu de nettoyer celle de nos ancêtres et surtout pas en ajouter. Ouais. Ce qui veut dire qu'elle était perçue quand même comme quelqu'un qui, de plus en plus, premièrement parce qu'elle côtoyait aussi des Français, philosophes, peintres, maîtres à danser, physiciens, astrologues, et que ça dérangeait énormément. Oui. Elle les fait venir à la cour, ces grands esprits du temps. Ça lui vient d'où, ce goût pour la France, ce goût pour cette curiosité? Moi, je pense que ça vient de son précepteur, qui l'a ouvert à questionner tout. À questionner, entre autres, même les religions, qui a eu, je dirais, une approche beaucoup plus œcuménique, une approche vraiment doctrinaire par rapport à Luther. Ce qui fait que il l'a amené dans différents aspects, parce qu'il croyait véritablement qu'un monarque devait être élevé avec une espèce d'esprit qui lui permettait de créer une distance sur tous les sujets et d'essayer d'observer les choses avec distance. Alors, c'est pour ça que très jeune, d'ailleurs, elle avait aussi une aptitude pour les langues. La légende veut qu'elle en parlait 8, dont l'hébreu. Tout ça, évidemment, contraste ce portrait que vous venez de faire de Christine de Suède, contraste infiniment avec l'état du pays, avec les conditions de vie de ses sujets. Il y a, dans ce film de Coris Maki, dont vous signez le scénario, une scène assez frappante, qui montre, mais vraiment en quelques secondes, puis on l'écoute tout de suite, ce que c'est, ce fossé énorme entre Christine et ses sujets. My valiant subjects, you work to ensure the glory of Sweden and your queen. Offer them some beer. Thanks to your father's rebellion, my ancestor rose and overthrew tyranny. Offer them beer. As the great Marcus Aurelius said... Beer for everyone! Alors qu'elle essaie finalement de faire un discours aux gens de son peuple dans un petit village, il y a le chancelier qui derrière lui dit offrez-leur de la bière. Voilà, ils veulent pas entendre ils veulent pas entendre vos discours, offrez-leur de la bière. Et c'est ça, il est là ce décalage. Et je crois que ça peut aussi parfois rejoindre notre modernité. Ouais. Un certain décalage entre l'élite et du pain et des jeux. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, revenons sur Christine et son amour de la France, des philosophes, des Lumières, un en particulier, René Descartes. Elle va être complètement fascinée parce qu'il va avoir une longue correspondance. Elle va être fascinée par ce qu'il écrit. Il viendra finalement en Suède. Extrait à nouveau du film de Girl King. On va y entendre Descartes conseiller le chancelier de la reine en présence de l'ambassadeur français en Suède au moment où la reine s'est éprise, justement, de cette comtesse à la cour de Suède. La fabrique d'un roi est complexe. Elle s'appuie sur des lois providentielles, donc incontournables. Et la première de ces lois, c'est que celui qui gouverne se doit à la raison d'État. Il est la roue motrice qui entraîne le pignon, qui entraîne l'arbre, qui entraîne les roues secondaires. Si pour une raison passionnelle, ces trous motrices se mettent à tourner en sens inverse, c'est tout le mécanisme qui s'enraye. Dites-moi, cher ami, que nous faut-il comprendre ici? La reine se doit à sa terre, Excellence. Alors, il viendra, Descartes, à la cour de Suède. Il mourra, d'ailleurs, en Suède, Michel-Marc Bouchard. C'est intéressant. Évidemment, c'est un petit extrait pris un petit peu hors contexte, mais au fond, ça nous interroge sur le poids qu'il aura, Descartes. C'est pas rien ce qu'il vient de dire. D'abord, quel type de relation il aura avec Christine et quelle influence il aura à la cour de Suède? Je pense qu'il a eu une relation extrêmement affectueuse par rapport à elle, parce que quand même, elle lui a écrit cette première lettre qu'elle lui a écrite, et c'était « Monsieur Descartes, dites-moi, qu'est-ce que l'amour? » Et Descartes, qui ne s'était jamais penché sur la question des sentiments, a décidé d'écrire ce fameux traité, le traité des passions primitives de l'âme, qui était complètement un peu scandaleux, même pour les stoïciens, parce que les passions étaient péchés. Mm-hmm. Toute passion est un péché. Alors, lui a décidé, d'une façon, d'essayer d'observer la mécanique des passions et tenter de les expliquer mécaniquement. Sur, exemple, je sais pas moi, le rythme du cœur, ouais. La pression du sang, les glandes qui intervenaient dans la colère, dans l'amour, etc. Et Christine sera fascinée par ses travaux et ira jusqu'à faire venir Descartes. Certaines rumeurs veulent qu'elle l'aurait même kidnappé pour qu'il vienne à la cour de Suède. Et bien sûr, sa visite a été très mal vue de l'autre côté par les luthériens, parce que c'était aussi un autre Français qui débarquait à la cour. Catholique. Alors, il a été là un an. Elle a même poussé l'audace de lui demander d'écrire un ballet. La dernière œuvre de Descartes est un ballet. C'est le ballet pour Pallas, la déesse de la paix, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler, mais il y a toute cette dimension-là de pacificatrice. On y vient, parfait. Alors, et de ce sens-là, la relation avec Descartes a été, je dirais, comme on approche presque un psychanalyste. Ouais. Où elle essayait, à travers ses enseignements, à travers ses observations, de comprendre ce qui l'agitait elle-même. Mais Descartes, quand même, avait un côté aussi très, cartésien. Mm-hmm. Et pour lui, la reine se devait à son peuple avant tout. Donc, il sera utile sur ce plan-là aussi. Absolument. Une certaine influence. La reine, justement. Vous évoquiez le traité de Westphalie sans le mentionner. La paix, ce sera très important. Cette idée de paix pour elle. Elle ne veut plus de la guerre. Que va changer ce fameux traité qui est si important pour la reine? Quel rôle elle va jouer dans le fait que ce traité soit signé? Je pense que l'idée qu'elle a eue, c'est que les protestants et les catholiques ne voulaient pas discuter ensemble de paix. Et elle tenait absolument à ce que cette paix-là soit effective et signée. Alors, elle a eu cette idée de les séparer. C'est-à-dire qu'il y a eu des pourparlers à Münster, je crois. Oui, c'est Münster pour les catholiques, et à Osnabrück pour les protestants. Alors, ils se sont parlé, chaque clan, parce qu'il y avait beaucoup de pays. On parle de la guerre de 30 ans, alors que presque toute l'Europe est impliquée dans ce conflit-là. Et finalement, ils ont réussi à mettre des ambassadeurs qui se sont parlé entre les deux rendez-vous et sont arrivés à une paix, qui, entre autres, je pense, les grands faits d'armes du traité de Westphalie, était d'une part qu'il ne pouvait plus avoir aucune autre une ingérence extérieure sur les religions d'État. Mmh. Ce qui a mis, bien sûr, furieux Rome, qui était contre le traité de Westphalie, qui a essayé de le pilonner, de l'annuler. Mais finalement, c'est resté. Et ce qui veut dire aussi que chaque prince pouvait décider de la foi de son pays. Ouais. C'est pourtant à Rome qu'elle va terminer ses jours. Elle abdique, en fait, en 1654 pour aller un peu plus tard à Rome où elle termina ses jours. Pourquoi est-ce qu'elle abdique? C'est complexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Il y avait effectivement cette dimension-là, je pense, première, qu'elle étouffait dans son pays, que ses réformes étaient extrêmement contestées, qu'elles coûtaient extrêmement cher, et aussi... Cette idée de sophistication-là, on lui a fait quand même miroiter Rome. Et Rome était le centre du monde à ce moment-là. C'était le Berlin de maintenant, le New York du siècle dernier. C'était tout ce passé-là, parce que c'était la construction de Saint-Pierre de Rome. Et elle était fascinée par ce qui pouvait s'y passer. Ce qui fait que, entre autres, c'est une des grandes interprétations de son abdication et surtout de son abjuration de la foi luthérienne. Elle trouvait, je pense, plus intéressant la reconnaissance qu'il pouvait y avoir face à la vie après la mort dans l'Église catholique. Il en reste quoi? D'abord en Suède. Je ne sais pas comment elle est perçue aujourd'hui. Comment elle est perçue, Christine de Suède, aujourd'hui? Elle n'est pas beaucoup aimée, j'avoue, parce que c'est difficile de faire d'une héroïne nationale quelqu'un qui a trahi son pays. N'oublions pas qu'elle les a reniés. En plus de ça, elle a quand même tenté, plus tard, après son installation à Rome, de reconquérir son trône en Suède avec l'aide des Anglais, ce qui a été aussi extrêmement mal perçu. Elle allait se battre contre sa propre armée. Ce qui fait qu'il y a plusieurs choses comme ça qui ont refroidi, bien sûr, l'ardeur qu'on peut avoir par rapport à elle. Son père est un véritable héros. Adolphe Gustave, il y a même une journée nationale où il y a un dessert pour lui, mais Christine n'a pas le droit au dessert. On va s'arrêter. D'ailleurs, quand on a fait le film, on a posé la question aux Suédois, mais pourquoi n'avez-vous jamais rien fait sur elle? Parce qu'on dit parce qu'on l'aime pas. Incroyable. Merci beaucoup, c'était fascinant. Merci beaucoup. Bouchard. Merci. Auteur de théâtre, scénariste au cinéma, bientôt sur un projet d'opéra autour de Christine de Suède. Passionné donc pour cette histoire de Christine de Suède. Merci encore une fois. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.